Le sort. Прослушайте текст и расскажите, какое несчастье случилось с принцессой и почему. C'est un pays de légende. C'est le pays de Khéops, Khéphren et Mykérinos, les bâtisseurs des trois grandes pyramides de Gizeh. C'est l'Égypte. C'est un pays de sorciers et de magiciens, un pays aux histoires les plus folles. En Haute-Égypte, il y avait une princesse, fort enviée pour sa beauté. Ses sœurs jalouses avaient engagé une sorcière. Une boucle de ses cheveux, de la rognure de ses ongles, avait été apportée par les sœurs jalouses à la sorcière. Elle utilisa tout cela pour lui jeter un sort d'enlaidissement. La sorcière confectionna aussi une figurine censée représenter la princesse, qu'elle écrasa, tortura et finit par faire fondre. Le lendemain, la princesse était fort malade. Elle ne pouvait bouger de son lit. Elle était tombée dans un sommeil éternel. La princesse ne pouvait être sauvée que par une fleur de vie, qui se trouvait alors en haut d'une montagne et était alors gardée par des sphinx. Un prince qui l'aimait s'était lancé dans cette périlleuse quête et après avoir affronté nombre d'obstacles, il ramena la fleur de vie, guérit la princesse et l'épousa.